De l'abbé Maurice Barthélemy Bélière à Mère Marie de Gonzague. Extrait 17 août 1897. Mardi soir, mère toute bonne et bien chère, ma petite sœur Thérèse m'a parlé de l'héritage que je dois recueillir après sa mort. Merci du fond du cœur, de cette tendresse nouvelle, ma mère bien-aimée, merci, je suis profondément touché et heureux, je ne mérite pas tant de bonheur et j'ose demander encore. Ma sœur est une sainte, laissez-moi quelques reliques d'elle-même après sa mort, voulez-vous, mère, si ma demande est indiscrète, pardon, pardonnez à ma simplicité et aussi à ma foi, si vous le pouvez, donnez-moi de ses ongles, ou de ses cheveux, peut-être plus tard ces objets feront des miracles. M. Barthélemy Bélière. Un de mes amis vient de m'envoyer cela, c'est à peu près moi, gardez, si vous voulez. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archives Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.